sortaient les poubelles du cœur, où l'on jette aux ordures les amours de jadis, où sont-elles les latrines des pleurs, remissant nos blessures comme un tas d'immondices, où sont-elles les magiques lueurs, sous le poids des rigueurs, sous le peur de la mort, où sont-elles les anciennes présences, devenues des silences, devenues mes remords.